Chapitre 8e, le concert de M. Kane. Avant l'expiration des 15 jours que Lord Mount Severn devait passer à East Lynne, le comte fut pris d'une nouvelle et sérieuse attaque de goutte. Impossible pour lui de faire un pas, et par conséquent d'évacuer les lieux comme il en avait contracté l'engagement. Car là, il l'engagea à ne pas se tourmenter, et lui réitéra l'assurance du plaisir qu'il éprouverait à le voir rester au château tant que cela pourrait lui être agréable. Le comte, touché de ce procédé, en remercia Carlyle, tout en exprimant l'espoir de pouvoir bientôt quitter East Lynne. Ce fut un espoir chimérique. Les accès se succédaient avec une promptitude désespérante, avec une violence de plus en plus grande. Lord Mount Severn, bien qu'il ne gardât pas le lit, ne pouvait cependant bouger de sa chaise longue. Ce ne fut qu'au mois d'octobre qu'une amélioration sensible se produisit dans sa santé. Pendant tout le cours de cette maladie, Lord Mount Severn avait reçu bien des preuves d'attachement et d'intérêt. Toutes les grandes familles des environs s'étaient montrées fort empressées à envoyer savoir de ses nouvelles et à venir elles-mêmes lui rendre visite. Mais la seule personne que le comte voyait avec un vrai plaisir, c'était Carlyle. Il se sentait à présent pour lui un attachement véritable, et c'était même, pour le comte, un sujet de tristesse lorsque Carlyle ne venait pas passer la soirée à ses côtés. « Je suis trop souffrant pour recevoir tout le monde », fit-il un soir en s'adressant à sa fille. « Mais je ne saurais vivre sans la présence de Carlyle. C'est un cœur dévoué et j'apprécie les efforts qu'il fait pour égayer ma solitude. »« Il est en effet bien bon, » répondit Lady Isabelle, « et de mon côté je me sens pour lui une vraie sympathie. » Ce soir-là, Carlyle arriva comme de coutume et le comte invita sa fille à chanter. « Volontiers, mon père, » répondit Isabelle, « mais le piano a besoin d'être accordé. Connaissez-vous un accordeur ?» ajouta-t-elle en se tournant vers l'avoué. « Certainement, » répliqua celui-ci, « il y a un individu du nom de Kane. Voulez-vous que je vous l'envoie d'ici demain ?»« Cela me fera plaisir, » dit Isabelle. « Non qu'il puisse y faire grand-chose, car l'instrument se meurt de vieillesse. Si nous avions l'intention de nous fixer pour quelque temps à East Lynne, » ajouta-t-elle, « je demanderai à mon père de le changer pour un neuf. » La pauvre enfant, elle ne se doutait guère lorsqu'elle prononçait ces paroles que ce piano ne lui appartenait plus et qu'il était la propriété de l'avoué. Le comte se mit à tousser comme s'il voulait cacher son émotion et Carlyle et lui échangèrent un regard en souriant tristement. Kane était l'organiste de l'église de Saint-Jude. C'était un honnête homme qui avait longtemps lutté avec courage contre les adversités de la vie et qui aujourd'hui se trouvait dans la misère et dans l'impossibilité même de faire face à de nombreux engagements. Quand il se présenta le jour suivant au château d'East Lynne, Lady Isabelle était assise au piano. En le voyant entrer, elle se leva, et lui cédant la place, elle se tint debout à ses côtés pour le voir manœuvrer. Il était dans sa nature à elle de se montrer affable et généreuse envers tout le monde. Le pauvre maître de musique s'en aperçut bien vite, et cela lui donna le courage de révéler en quelques mots l'état embarrassé de ses affaires et, s'enhardissant peu à peu, il finit par solliciter de Lady Isabelle l'honneur de sa présence au concert qu'il venait d'organiser à son bénéfice. « C'est ma dernière ressource, » balbutia-t-il en rougissant, « et si je réussis, ce sera pour moi du pain sur la planche. Si j'échoue, mon propriétaire me mettra à la porte et saisira tous mes meubles en paiement d'un loyer de 2 ans dont je lui suis redevable. J'ai 7 enfants. » Isabelle, en froid, une violente émotion, courut trouver son père. « Il faut aujourd'hui m'accorder une faveur, » lui dit-elle. « Laquelle ?» demanda le comte. « Je veux que me conduisiez à un concert qui sera donné à West Lynne. » Le comte la regarde avec étonnement. « Comment ? Un concert à West Lynne ? » s'écria-t-il en riant aux éclats. « Est-ce pour entendre la grosse caisse et les musiciens de la foire ?» Isabelle n'abandonna pas facilement la partie. Elle fut éloquente et persuasive et refit, en y jetant toute l'ardeur de son âme généreuse, le triste récit de la situation de son protégé. Elle parla des 7 enfants, du loyer qui était dû, de la menace du propriétaire et de la seule ancre de salut qui restait à l'accordeur. « Je ne suis pas riche, » interjeta le comte. « Cependant, je souscrirai pour 4 billets et vous pourrez les donner aux domestiques. »« Mon père, » reprit vivement la jeune fille, « ce n'est pas là ce que je désire. Ne comprenez-vous point que si vous et moi nous allons à ce concert, toutes les nobles familles des alentours y viendront également et qu'alors la salle sera comble ?» « Qu'importe la musique que nous entendrons, » ajouta-t-elle, « une bonne action est 1000 fois plus mélodieuse à l'âme que tous les instruments de ce monde. »« Allons, petite sorcière, » fit le comte, « vous êtes un excellent avocat. Je me rends à vos sollicitations et vous pouvez annoncer à votre protégé que nous ferons acte de présence. »« Joyeuse et gaie, elle s'empressa d'aller porter à Kane la bonne nouvelle. Le pauvre Kane se mit à pleurer, et Lady Isabelle, en voyant couler les larmes du musicien, crut les sentir descendre le long de ses propres joues, et involontairement, elle s'essuya les yeux. Le soir de ce même jour, quand arriva Carlyle, Isabelle n'eut rien de plus pressé à faire que de l'entretenir au sujet du concert qui allait être donné. « Vous irez, dit-elle à l'avoué, et vous m'aiderez à placer des billets. Je vous le promets. » Et il tint sa promesse. Le lendemain même, il se mit en campagne et répandit partout la grande nouvelle que Lord Mountsavern et sa fille seraient tous deux présents au concert. Kane vit bientôt son humble demeure assiégée par une foule compacte, avide d'obtenir des places. C'est à peine si l'organiste avait le temps de mettre sa signature au bas des billets, tant ceux-ci se débitaient avec vitesse. À son retour chez lui, Carlyle en remit deux à sa sœur. « Qu'est-ce ? Que signifient ces billets ?» demanda Mademoiselle Carlyle. « En vérité, Archibald, je ne puis croire que vous ayez fait la sottise de dépenser tant d'argent. »« Une aussi faible somme ne peut nous faire du tort, » répondit Carlyle, et Kane est bien malheureux avec tous ses enfants. « Pourquoi les a-t-il eus, ces enfants, s'il ne pouvait les nourrir ?» reprit Cornélie avec colère. « C'est toujours la même chanson, et je n'ai aucune pitié pour ces sortes de gens. Enfin, les billets sont achetés, et j'espère que vous viendrez avec moi. » « Oui, ce sera quelque chose de beau, n'est-ce pas? Nous irons là tous deux nous asseoir dans une salle vide et nous distraire comme des idiots en comptant le nombre des bougies. Quelle agréable perspective !»« Rassurez-vous, Cornélie, » reprit Carlyle, « la salle ne sera pas vide. Au contraire, c'est à peine si l'on trouvera à s'y placer convenablement, car les Mountsavern ont promis de s'y rendre. J'espère, » ajouta-t-il en fixant les yeux sur la singulière coiffure que portait en ce moment sa sœur, « que vous ne viendrez pas avec cet ornement. » « Comment ?» riposta avec aigreur Mademoiselle Carlyle. « Comment ? Vous ne me trouvez pas assez bien mise ? Je vous conseille à mon tour de vous faire friser les cheveux pour ce misérable concert et de vous munir d'une lorgnette d'opéra. » Carlyle, comprenant qu'il n'obtiendrait rien de sa sœur tant qu'elle ne serait pas un peu plus calme, lui souhaita le bonjour et retourna à son étude. Chemin faisant, il rencontra Otway Bethel, neveu du colonel Bethel, et que ce dernier avait recueilli chez lui. C'était un mauvais sujet, pour lequel certaines personnes avaient cependant une grande estime. Il était vêtu d'un habit en complet en velours de coton et portait un fusil à la main. Grand amateur de la chasse, on le voyait rarement sans sa carabine, et si nous devons ajouter foi au bruit qui circulait sur son compte, cet Otway Bethel, malgré son titre de gentleman, était quelque peu braconnier de son état, et se constituait même un certain revenu en expédiant les marchands de Londres le produit de son braconnage. Depuis 6 mois environ, on ne l'avait pas revu à West Lynne. « D'où venez-vous donc ? » s'écria Carlyle en s'approchant de lui. « Ma foi, » répondit Bethel, « j'ai erré de par le monde, j'ai traversé la France et je reviens d'Allemagne. » « Bethel, » continua Carlyle en baissant la voix, « je suis heureux de vous avoir rencontré, car j'ai une question à vous poser. Veuillez reporter vos pensées à cette nuit fatale où Hallet John fut assassiné. » « Ce que vous me demandez là est fort pénible, » répliqua Bethel. « C'est un souvenir peut être attrayant et que je m'efforce d'oublier. »« N'importe, » insista Carlyle, « cela est nécessaire. » »« J'ai appris, bien que cet incident n'ait pas été mentionné dans l'enquête, que Richard Hare vous avait rencontré dans la forêt quelques instants après que le meurtre fut perpétré et qu'il vous avait adressé la parole. »« Et qui vous a fait ce rapport ?» demanda Bethel. « C'est là mon secret. »« Eh bien, c'est la vérité, je le reconnais. » Et si je n'ai point révélé ce fait, c'est que je ne voulais point contribuer à la condamnation de Richard. Il m'a en effet accosté dans le bois, il est en proie à la plus vive agitation. Ne vous a-t-il pas demandé si vous aviez vu un certain amoureux d'Affy s'enfuir subitement de la chaumière ? Oui, il m'a parlé d'un nommé Thorn. Oui, c'est bien là le nom Thorn. J'ai cru qu'il était fou, ou qu'il cherchait à me tromper. Écoutez-moi, Bethel, continua Carlyle avec empressement. Il faut que vous m'ouvriez franchement votre cœur. Vous n'avez rien à redouter. Voyons, avez-vous en effet aperçu ce Thorn ? Je n'ai aperçu que Richard Hare, répondit Bethel, et je ne sais rien de l'individu dont vous me parlez. Vous avez entendu le coup de feu ? Certainement, mais sachant que Locksley était dans la forêt, j'ai cru que c'était lui qui venait de tirer. Enfin, reprit Carlyle, quelle est votre opinion touchant cet événement ? Il est inutile de me questionner davantage, fit Bethel avec fermeté. « Je ne veux nuire à personne, surtout à Richard Hare. »« Il ne s'agit point de cela, » interjeta Carlyle, « et vous méprenez sur mes intentions. Je cherche au contraire à réhabiliter Richard. »« Je vous ai dit ce que j'avais vu, » Je ne sais rien de plus. Mais je ne puis m'expliquer comment vous avez appris ma rencontre avec Richard. Je n'en ai soufflé mot à personne. Que vous importe, répondit l'avoué. J'en ai la certitude et cela me suffit. Je regrette que vous n'ayez point vu ce Thorne quitter la maison. À votre place, ajouta Bethel, je n'attacherai aucune importance à ce récit. Je ne crois pas à l'existence de ce Thorne. Je pense que ce n'est là que la création d'un cerveau surexcité, qu'un fantôme inventé par l'imagination en délire de ce pauvre Richard Hare.